sûrio jardin, cache-toi, Dieu, pour que ce brise dans la joie, profite des instants, adieu, modère-toi, ou tu la perds. Viens, mes folies et moi, nous allons vous chanter un bel épitalame. Thank you.

cette belle une chanson morale pour la tête du sûrement. Devant la maison de celui qui t'adore, celui de qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu de l'aurore? Que fais-tu, que fais-tu, que fais-tu? Au signal du plaisir dans la chambre du douille, tu peux bien notre fille, tu peux bien notre fille, et nos filles sortir, et nos filles sortir. Dans la maison de celui qui t'adore, celui qui t'adore. Petite Louison, que fais-tu de l'aurore? Que fais-tu, que fais-tu, que fais-tu? Ah! Il te tend les bras près de lui, tu cours vite, tu cours près de lui, tu cours vite. Bonne nuit, hélas, ma petite, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Près du moment fatal des grandes résistances, s'il me t'offre d'avance, s'il me t'offre d'avance, s'il me t'offre d'avance. Thank you.

chevaux, trop comme la pensée. Monto, et au galop, la justice est pressée. Dans mon cœur retentit sa voix désespérée. ce m'a dedans de ce tourment.